Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. On va parler de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini. Il y a des matchs en fin de semaine et c'est tout au long de la semaine. On en parle avec William Bussière. Salut William. Salut. William, évidemment. Est-ce que tes parents, quelle question, est-ce que tes parents avec Alex Bussière qu'on connaît bien? Là? Oui, c'est mon cousin. Ah, ben c'est bon, ça c'est bon. Donc, une famille de sportifs. William, tu t'occupes, j'imagine, des activités à Dolbeau-Mistassini du soccer, c'est ça? Oui, je suis assistant coordonnateur. OK. Puis, donc, toi, ta job, c'est quoi? C'est de préparer les terrains, de veiller à ce qu'il y ait des arbitres. Parle-moi un peu de ton emploi. Oui, dans le fond, moi, assistant coordonnateur, dans le fond, ma job, c'est que, admettons, pour la Ligue des champions, ouais. C'est moi qui est au bon déroulement de ça, dans le fond. OK, OK. Dis-moi maintenant, donc, il y avait des matchs cette semaine dans la plupart des ligues, c'est ça? Parle-moi des matchs. OK. Ben, je vais aller deux de la semaine passée. Ouais. Et dans le fond, mardi dernier, le 29, nos U8-1 ont gagné 5-0 contre l'autre équipe de Dolbeau, U8-2. OK. Également, dans la même journée, le FC Jean Dumas-Fort, donc dans la catégorie U12-2, ont gagné 5-3 contre l'autre équipe du FC Jean Dumas-Fort de U12-1. OK. Ensuite? Aussi, le 30 mai dernier, dans la catégorie U12-A, ils ont eu une défaite contre le FC Mahican 4-0. OK. Cependant, le 30 mai, ouais. Notre équipe féminine, FC Jean Dumas-Fort, a remporté 8-1 contre le Chinook de Chicoutimi. OK. Puis aussi, mon équipe que je coach, hier soir, on a eu une défaite contre le FC Mahican de Saint-Félicien dans la catégorie U14. OK. Dis-moi, si on parlait un peu des équipes, est-ce que ça fonctionne quand même assez bien? Est-ce que ça va du côté du rendement jusqu'à maintenant? Oui, on a des très bons joueurs, sérieusement. Là, on a de la bonne relève. Là. Si on part de U8, là, okay. U8 là, dans les prochaines années, là, quand ils vont monter, là, ça va être du très bon calibre. Puis aussi, les joueurs U12, U14 sont très bons. Là. On a vraiment du bon calibre. Là. On est très fiers là, de notre bon calibre là, okay. À Dolbeau. OK. Ben, William, on s'en parle la semaine prochaine? Oui. Voilà, donc c'était William Bussière qui nous parlait de l'association de soccer de Dolbeau-Mistassini.